Est-ce que vous êtes prêts? Yeah. Est-ce que vous êtes prêts? Yeah. Est-ce que vous êtes prêts? Seuls les plus forts survivent. Yeah, yeah, seuls les plus forts survivent. Dans cette jungle urbaine, on doit rester vif, peu en sorte indemne. Toujours sur le front, jamais à la traîne. Plein qui tombe, peu qui tiennent. Tuer ou être tué, c'est ça le dilemme. Dans cette jungle urbaine, cours pour ta vie. C'est un champ de bataille tout autour de la ville. Entends les sirènes qui tournent dans la nuit. Crie à l'ennemi de rester à l'abri. En tenue de survie, tous en sursis. Les hommes se battent pendant que les femmes prient pour que la paix revienne. Tu voudrais que le mal ne règne pas, mais l'homme est une bête que la haine ne freine pas. La mort est une quête qui ne nous effraie pas. C'est comme ça, ne cours pas, yeah. Dur de survivre dans la jungle, de grandir dans ce monde de dingue. Le cœur sur la main et dans l'autre un flingue. En mal ou en bien, on fait tout pour vivre. On se bat pour exister, pour survivre. Dur de survivre dans la jungle, de grandir dans ce monde de dingue. Le cœur sur la main et dans l'autre un flingue. En mal ou en bien, on fait tout pour vivre. On se bat pour exister, pour survivre. Tentative active pour te priver de liberté. Je vise, esquive, c'est fini, t'es encerclé. Vivre captif, je préfère te captiver. Désactiver ton envie et ta fierté. L'ordre est lâché, la sphère te cherche. Sors de ta cage, l'affaire est terminée. Sache que tu deals avec des gars déterminés. On attend que tu craches le morceau et vende la mèche. Pour qui tu parles et où tu plantes la fraîche. Vaut mieux se servir que d'être asservi. Forcé au service et de dire merci. On se sert, on prend, on achète, on vend. Dans des guettes, apprends, monte des business plans. Pas de regrets, on se vend jamais. Dur de survivre dans la jungle, de grandir dans ce monde de dingue. Le cœur sur la main et dans l'autre un flingue. En mal ou en bien, on fait tout pour vivre. On se bat pour exister, pour survivre. Dur de survivre dans la jungle, de grandir dans ce monde de dingue. Le cœur sur la main et dans l'autre un flingue. En mal ou en bien, on fait tout pour vivre. Pour exister, pour survivre. Yeah. Une époque de service, on veut juste faire bien et faire vite. Mais en fait on brasse juste de l'air vide. Et on y passe notre vie. Tiraillé par le bien et par le vice. C'est satisfaire ou pas ses envies. Couper court à ses conneries. Montrer qu'on rigole pas. Que mon son a fait ses preuves comme un bon vieux Golf 4. Apparemment t'as beau lutter, t'as pas la bonne place. À quoi ça sert de s'expliquer quand t'as pas les bonnes armes. Toutes ces années d'évolution, maintenant les hommes savent déclencher la sélection et surtout pas parler de drame. Et ça au quotidien vu qu'on croit plus à l'alarme. Le système est fissuré et on reste anormal. Divertissement industriel, je veux du spectacle. L'espace publicitaire a eu le dessus sur le coup. Mais grâce aux sociaux, je survis face aux sournois, c'est pas perdu. Dur de survivre dans la jungle, de grandir dans ce monde de dingue. Le cœur sur la main et dans l'autre un flingue. En mal ou en bien, on fait tout pour vivre. On se bat pour exister, pour survivre. Dur de survivre dans la jungle, de grandir dans ce monde de dingue. Le cœur sur la main et dans l'autre un flingue. En mal ou en bien, on fait tout pour vivre. On se bat pour exister, pour survivre.